suis né un 23 août 1991. J'ai des parents, une grande sœur, un grand frère, un petit frère. À 3 ans, avec des seaux, je joue de la batterie. J'écoutais Queen, Alice Cooper, déjà tout petit. À 5 ans, j'ai voulu prendre mon premier cours de batterie. J'ai pas eu le courage, j'ai eu peur, j'étais trop petit. De 5 ans à 10 ans, j'ai oublié la musique. À 10 ans, mon père m'a acheté un super synthé. J'ai composé des chansons, composé un album. Il a vachement bien marché, c'était fin 2002. Mon deuxième a moins marché, même pas du tout marché. Novembre 2003, j'étais profondément déçu. Aujourd'hui, je chante cette chanson car je suis connu. Mon troisième album est un de mes plus beaux albums. Voilà, c'était la biographie d'un petit chanteur. 2 ans de carrière, c'est pas lourd, mais ça va le faire.